Je viens chercher du liquide gel. Chaque fois le vice à Johnny Depp. Bloc rempli de pistes, je visais un cric C, je lui dis bon week-end. J'ai perdu la frappe dans mon jogging, rabat, je tape un move sur Billie Jean. J'ai pété un platine bâtard et je veux faire croquer tous les miens avant les tiens. Je m'en plus de paraître, oh, mais je suis encore manié les métaux. J'arrive en balle, RS Sport, bas, j'ai vu plus personne dans mon rétro. Je vois les vaillants, les gens réglo, qui tiennent leur langue, tes potos. On fait plus de blagues que des carnages, grand scène, toi y'a pas de mytho. Fusil à pompe dans le checks comme Omar, j'récupère. La frappe à Cantona, on n'arrêtera pas de faire du sale. Personne va toucher au pain tant qu'on l'a. Hop, ça dégage, hein. Décollage, crois que t'es compté en R au démarrage. Rappelez-vous que c'est la guerre dans les parages. Salut, tu me reconnais, bah t'as vu lui. Je le baise, une fois que les promesses sont pas tenues. Je les baise, salut, tu me reconnais, bah t'as vu lui. Je le baise, une fois que les promesses sont pas tenues. Je les baise, je crois que je serai plus jamais en vert. Sors mon blaze dans mon tête. Balle dans la tête, fuck clip, car je les emmerde. J'ai hors de tes commentaires, donc je deviens commanditaire. C'est en famille qu'on opère, j'ai pris les mêmes couilles que mon daron. On arrange de plus sur le tarot, j'entends partout dire que t'as le bras long. On te connaît pas, t'es pas ouf, il va pleuvoir des balles sur ton carreau. Remets de la tisse dans mon gobelet, vaillant et vrai, tu nous connais. J'ai rayé les 40 pétasses de mes problèmes. On fait pas de menaces que des promesses. Pompe dans le checks comme Omar, je récupère la frappe à Cantona. On n'arrêtera pas de faire du sale, personne va toucher au pain tant qu'on l'a. Hop, ça dégage, hein. Décollage, crois que t'es compté en R au démarrage. Rappelez-vous que c'est la guerre dans les parages. Salut, tu me reconnais, bah t'as vu lui. Je le baise, une fois que les promesses sont pas tenues. Je les baise, salut, tu me reconnais.